Avant de te trouver, j'en ai fait du chemin, j'en ai vu des matins se lever. Avant de te trouver, j'en ai longé des mers sous les grands arbres verts de l'été. Je marchais sans parler, les yeux dans les nuages, je cherchais ton image tout le jour. J'accrochais mon bonheur au sourire des filles que l'on trouve gentilles quand on leur fait l'amour. Avant de te trouver, j'étais comme un enfant qui pleure et qui attend avant de te trouver. Et puis je t'ai trouvé tout au bout de la terre, sur l'aile passagère du hasard. Et puis je t'ai trouvé plus jolie que mes rêves, j'ai eu peur qu'il s'achève dans le noir. Et du bout de mes doigts et du bord de mes lèvres, je dessine sans trêve ton visage. Je ne demande pas qu'un autre jour se lève, les chagrins font cortège aux oiseaux de passage. Et je vais te garder plus longtemps que moi-même, au creux de mes je t'aime, tu resteras caché tout comme avant de